John Napier, peut-être plus connu en France sous le nom de Napier, a laissé son nom dans la postérité mathématique pour son invention des logarithmes. Né en 1550, il est issu d'une riche famille écossaise et deviendra lui-même baron de Merchingston. À 13 ans, il est envoyé à l'université de St. Andrews, dont les archives révèlent qu'il n'y a obtenu aucun diplôme. On pense qu'il a poursuivi ses études quelque part sur le continent, peut-être à Paris ou en Italie. En 1571, il est de retour en Écosse pour le mariage de son père et lui-même se marie en 1572. 2 ans plus tard, il s'établit dans un château nouvellement bâti sur les terres familiales. Il gère activement sa propriété, commerce beaucoup et développe une approche scientifique de l'agriculture. Par ses contemporains, John Napier est surtout connu comme théologien. Il écrit en 1593 son ouvrage le plus célèbre, « A Plain Discovery of the Whole Revelation of St. John ». Cet ouvrage lui vaudra une certaine réputation jusque sur le continent.